je veux rentrer chez moi. Ici c'est pas chez moi, laissez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas des vôtres, non, vous êtes trop bizarre. Vous laissez cramer votre terre pendant que vous faites des selfies de merde. Internet vous a abruti, perverti. Je me demande si c'est vraiment ça la vie. Vous détruisez tout si la planète se réchauffe. C'est que l'enfer se rapproche, que la fin se rapproche. Fou. Mais vous êtes fou, votre planète s'essouffle. Bienvenue chez vous, la pollution étouffe. Oui, c'est chez vous, et restez chez vous. Je veux me casser d'ici, vous êtes trop chez vous. Je rentrerai chez moi, ici c'est pas chez moi. Laissez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas des vôtres, non, vous êtes trop bizarre. Vous êtes trop bizarre. Je ne suis pas des vôtres, non. Laissez-moi, lâchez-moi, je veux rentrer chez moi. Ici c'est pas chez moi, laissez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas des vôtres, non, vous êtes trop bizarre. Vous êtes trop bizarre. Je ne suis pas des vôtres, non. Laissez-moi, lâchez-moi. Esprit absorbé par télévision, vous plaindre de votre vie de merde. Derrière téléphone à 1000 euros, vous n'avez pas honte. Comment vous décrire vos déchets dans l'espace, dans la mer, dans les airs, sous la terre. Vous êtes sale et c'est tout, la terre trempe, devient rouge. C'est le début de la fin, des humains crèvent de faim. Au premier degré, tu te rends compte? C'est quoi cette race de merde? Chacun sa gueule, chacun sa merde. La richesse divise la misère aussi. C'est la course à l'oseille comme au Monopoly. Vous ne respectez rien au fond, c'est ça la définition du terrien. T'as pas d'argent, t'es rien. J'trouve la paix que quand je m'isole. Suis-je le seul? Suis-je malade? Ai-je besoin d'une camisole? Au fond, c'est peut-être moi le fou. Qu'en vrai, tout est normal, que tout va bien. Mais dans les deux cas, je me sens pas chez moi. Mais d'où je viens? Mais d'où je viens? D'où je viens, moi? Je suis pas des vôtres. Je suis pas des vôtres, merde. Je rentrerai chez moi. Ici, c'est pas chez moi. Laissez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas des vôtres. Non, vous êtes trop bizarre. Vous êtes trop bizarre. Je ne suis pas des vôtres. Non, laissez-moi, lâchez-moi. Je veux rentrer chez moi. Ici, c'est pas chez moi. Laissez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas des vôtres. Non, vous êtes trop bizarre. Vous êtes trop bizarre. Je ne suis pas des vôtres. Non, laissez-moi, lâchez-moi. Ici c'est pas chez moi. Laissez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas des vôtres. Non, vous êtes trop bizarre. Vous êtes trop bizarre. Je ne suis pas des vôtres. Non, laissez-moi, lâchez-moi. Je veux rentrer chez moi.